Épilogue. Kremlin, Tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène, 10 octobre. Pour cette tenue solennelle de l'Assemblée des Volkodlak, aucun des 14 sièges à capitons rouges qui entouraient la table ovoïde du présidium n'était vide. Koslov avait donné mission à l'historiographe Mikhaïl Yapounov d'écrire cette journée sur l'album de l'histoire sur le ciel de Moscou. De son côté, en retenant les détails, Léonid Kikov forgeait la légende. En préambule, le président Popov tint à féliciter Koslov et ses Volkodlak pour l'éradication des islamistes. Afin de ménager la susceptibilité des musulmans, Popov comptait attribuer la présidence de la République de l'Altaï, membre de la puissante fédération de Russie, au moufti d'Arsikouchi Zelim Ishmoukhametov et à son nouveau groupe politique, le Parti constitutionnel islamique, composante régionale du Kadé, soutien de l'action gouvernementale. Koslov trouva l'idée judicieuse. Popov suggéra que le symbole du nouveau parti pourrait représenter un loup sur une hauteur, hurlant au croissant de lune, drapé dans le drapeau vert de l'islam. Koslov ne dit rien. Il savait que Vladimir Vladimirovitch Popov voulait pour l'Altaï une nouvelle constitution. Il en connaissait les grandes lignes. Le chef d'État désirait y rappeler le primat des lois fédérales tant que celles-ci étaient compatibles avec la charia. Il fallait fermer les tribunaux religieux, les madrasas et renvoyer tous les prédicateurs étrangers dans leur pays d'origine. Il tenait à ce que soit minimisé le pouvoir du président au profit du Premier ministre, dont la nomination recevrait impérativement l'accord conjoint de Moscou et de l'Assemblée provinciale. Après s'être félicité de la nomination de l'économiste Roman Zidov à la présidence de la Banque de Russie, du théoricien Viktor Leonov à celle de la Commission eurasiatique et de l'ethnologue Olga Gourina à la direction générale de l'UNESCO, le président Popov indiqua qu'il comptait donner au chambellan Jafar Akhamov un poste de prestige et d'influence suite à ses prouesses, élimination successive d'Omar Tarkanov, le porte-parole du califat islamique pour la Russie, de Magomed Adjipov, le leader islamiste, de Youssouf Imadedinov, le président du Tokaristan, et de Fatia Yazorouba, l'idole des veuves noires. Il ne manqua pas d'ajouter, pour conclure, « À présent que nous avons investi les organes de décision et que nous nous sommes débarrassés de la menace islamique, nous pouvons envisager de travailler sur le basculement eurasiatique de la Russie vers les pays du soleil levant, la voie du Kremlin. » Tout en acquiesçant avec un sourire étudié, Koslov nota l'ordre de mission transmis sans embâge, mesura l'ampleur de la tâche, entrevit le chemin malaisé semé d'embûches que ses Volkodlak allaient parcourir pour relever le défi assigné par le président Popov.